revient. Et cette fois, on ne négocie rien. Savoir à 20, mais on est déjà dans le monde. On a les plans, les heures, le terrain, le sang. Reprendre ce qui est à nous, claque sur claque, shot sur shot. Le nom de Ryder Skill gravé sur chaque mur, car on ne passe pas, on reste.